Get ready. Fun Radio vous invite à l'événement Dance Floor de l'année, Star Floor. Le 20 octobre à Paris-Bercy, c'est complet. C'est Star Floor. Gagnez vos places aller-retour en envoyant Star au 6322. 1 euro par message. J-9. En direct dans toute la Belgique sur Fun Radio. Let's on Dance Floor. Mickaël à la radio, c'est plus d'infos. Plus de météo que sur les autres radios. Demain il pleut, c'est tout. Plus de suspense que dans un jeu télé. Eh ben c'est perdu. Ah non, t'as gagné. Ouais, bon écoute, tu verras au standard, hein. Cherchez pas ailleurs. Le meilleur des réveils, c'est sur Fun. Fun. Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. C'est l'info en trop sur Fun Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans les infos en trop, les infos intéressantes mais dont tout le monde se fout. Rusty, un jeune garçon a récemment découvert la carcasse exceptionnellement bien conservée d'un mammouth. Mais le problème avec un mammouth, c'est de trouver un micro-ondes à sa taille, hein, pour le décongeler. On vous en parlait hier, Lady Gaga a vomi lors de son dernier concert. Lady Gaga a annoncé que ce n'était pas du simple vomi. Après une robe en jambon, elle s'est fait une robe en vomi. Oh. Trop classe. Et on apprend à l'instant que la chanteuse Céline Dion est passée à côté de la catastrophe ce week-end. Exactement, et c'est grâce à une hôtesse de l'air qui lui aurait signalé son erreur qu'on a pu éviter le pire. Ouais, Céline Dion aurait confondu Canadair avec Air Canada. Johnny Hallyday était de retour sur scène pour un concert exceptionnel à New York. Johnny Hallyday a choisi pour son retour de jouer au Beacon Theatre, normal pour une tête de lard. Et pour terminer, si vous aimez les acteurs porno et les préparations instantanées, avalez-vous un roco minute soupe. T'aimerais bien ça, hein? Bah oui. Ah, t'aimerais bien. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Tous les matins, Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. Bien dormi? Pour ça, il aurait fallu que tu ne ronfles pas toute la nuit. Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. Bon, allez, c'est bon, on va jouer au ni oui ni non, ni vous verrez bien. Tu appelles de la Louvière, tu as 31 ans. C'est bien cela? Oui. Et tu vas tenter de battre Aline, un jeu d'enfant, normalement. Oui. Normalement, c'est... Bah, normalement, c'est donné, hein. C'est facile, c'est plus que facile. Bon, on va y aller, ni oui, ni non, ni deux. D-E, d'accord? Mm-hmm. Seb? Oui, vous m'entendez? Ah. Bah oui, là maintenant oui, mais là tout de suite non. Donc tu nous as entendu, il faut pas dire oui, il faut pas dire non, il faut pas dire D-E. Ok, d'accord. D'accord, une minute donc maximum pour tenter de lui faire dire ces mots-là et surtout que tu ne les dises pas. On y va, c'est parti, une minute, bonne chance Seb. Merci. Seb? Bonjour Aline. Salut, ça va? Ça va bien, et toi? Très bien. Que fais-tu aujourd'hui? Je pars au boulot. Tu travailles dans quoi? Plafonnage. T'aimes bien? Ça va. Pas plus. C'est un bon boulot. D'accord. Si, si, j'aime. Tant mieux. Et toi? Tu fais quoi de beau aujourd'hui? Perdu! Ah oui, aujourd'hui. Ah. Tu fais quoi de beau? Ah oui, de beau. Oui. Merci, Tom. Et ben voilà. Et ben voilà Seb, et il s'est perdu, c'est dommage. Ah, il a bien joué, hein. Il a bien joué, t'as bien joué. Bon ben Seb, malheureusement c'est perdu, mais tu retentes ta chance quand tu veux, hein. Oui, c'est bien gentil, merci. Avec plaisir, passe une bonne journée, à bientôt. Merci également. Mickaël à la radio, le replay. L'important pour bien commencer la journée, ce n'est pas de se lever du bon pied, mais c'est d'oublier la journée qui nous attend. Mickaël à la radio. Détendez-vous. Vous êtes sur un nuage de 6h à 9h30 sur Fun Radio. Et les meilleurs messages laissés sur le 0473 86 0013. On écoute maintenant le premier. Oui, bonjour monsieur le casse-couille et le spécialiste en Clio RS de mes couilles. C'est pas ton problème ce que je fais comme annonce sur le bon coin, t'as compris? Maintenant ma Clio RS, je sais très bien que c'est pas une ragnotique, c'est des phases 2 les ragnotis. Celle-là c'est juste qu'elle a été remontée avec le pare-soleil dédicacé à ragnotis. Tu vas répondre à ton téléphone et tu vas m'appeler là parce que je commence à en avoir ras-le-gueule. Ras-le-gueule, je commence à en avoir ras-le-gueule. C'est une idée, pourquoi pas. Bien relou en tout cas, effectivement, on sent que le mec il vient du nord de la France, je pense. Oui, avec sa Clio RS, je sais pas quoi là, enfin bon. Oui, voilà, deuxième message. Salut Cindy, je suis dans le bar La Comédie. Écoute-moi, ça me fait plaisir de t'inviter à manger, puis discuter, puis pour se connaître mieux. Je te rappelle un peu plus tard. Au revoir. Rappelle un peu plus tard. Si tu veux, il n'y a pas de problème, évidemment. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Il n'arrêtera pas la faim dans le monde. Il ne remboursera pas la dette de l'Europe. Il n'arrêtera pas les guerres. En fait, il ne changera rien. Mickaël vous sort du lit tous les matins et c'est déjà pas mal. This is Mickaël à la radio. 6h-9h30 sur Fun Radio. Et ce matin, on va faire connaissance avec une fille un petit peu spéciale, mais légèrement, hein, très très légèrement. Je ne sais plus pourquoi, j'ai cherché Cyclo Nudisme sur Google. Je me suis dit, il faut qu'on essaye. Ça a l'air carrément mortel. On est tous tout nus et on ne fait plus qu'un. Vous ne pouvez pas imaginer comme c'est bon. Ah oui, c'est génial. Mais qui cherche sur internet vélo nudiste? C'est dingue ça quand même. Vous avez déjà essayé ou pas les filles? Non. Non mais jamais. Déjà vu. Ah ouais. T'as déjà vu? Ouais, donc déjà vous, vu. Donc vous ne feriez... Oui, bah oui, en vidéo bien sûr, parce que regarder des vidéos sur internet, Aline. Faut le savoir. Donc vous ne feriez pas ça. Chaque semaine, Alex et ses amis se retrouvent pour cuisiner tout nu. Le dernier à rejoindre l'équipe est Luc. Luc a créé un blog de cuisine végétarienne nudiste. Il cuisine nu, puis poste les recettes et les photos sur internet. Bah oui, en plus ça doit être bien et très hygiénique, hein. Tu sais, les petits poils qui tombent comme ça. Oh, oh pardon. Bah je vous ai dit. Oh bonjour. Ah c'était très bon ton repas, mais pourquoi tu zozotes? Ah bah ça c'est pas. J'ai dû avoir un truc coincé dans la langue. Ah oui, je vous ai fait une bonne tarte aux poils. Voilà, c'est ça, c'est gratuit. Venez comme elle est bonne ma tarte aux poils. Ça doit être bon, non? Ah ouais, grave. Hein, d'ailleurs, je vais parler comme ça. Hein, c'est comme on a cuisiné nu pour moi hier soir, c'était parfait, tu vois. Non, mais le plus dur, c'est quand même pour les mecs, évidemment, hein, parce qu'il faut sortir le matériel, quoi. Et finalement, c'est marrant d'être à poil. Les gens sont tous différents et leur sexe aussi. Ça fait partie des choses qui m'inquiétaient. Est-ce que le mien est assez grand? Mais personne n'est pareil. Oui, mon pénis est sorti, ne me jugez voilà. pas. Eh oui, ça, c'est les mecs. Hein. Même pendant la cuisine, il faut qu'ils comparent. Ouais. Il faut qu'ils... Mais oui, mais regarde Roger, là, dis donc, il est plus grand que la mienne. Hein. Comment ça se fait? Hein, regarde, sale con, je vais lui mettre un petit peu de poil, tu vas voir. Ah, vous êtes dans malin, sa petite tarte. Elle va être bien, elle va être bien, sa petite tarte. Allez, 7h18. Et bon appétit, bien sûr. Hein. Oui. Si jamais vous êtes à table, là, en train de prendre le petit déjeuner. Oui. Hein, on sait jamais. Ou sous la douche, comme ça, au moins, vous saurez que. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Vous pouvez ouvrir grand les fenêtres. Oui. Bon, 7h18. Dans un instant, le best rail game. Et puis, bon appétit, hein. Le petit poil, là. Oui. Ça peut être bien, ça. Mickaël à la radio. Le replay.